Represent, represent. À tous les pics qui sont dans les poches. One, two, one, two. Chaque jour, chaque soir, Roy du Noir à se voir en train d'allumer des cigarettes, des cigares ou des pétards pour ses fêtards. Enfin, toutes ces personnes qui veillent tard, ces cigarettes qu'on assassine par la tête, les entendre nous dire. Vous croyez que c'est une vie ça? Moi pas, j'y crois pas. Un morceau de plastique, identique à ton doute. Je pense les plaies, donc j'essuie les plâtres de ces jeunes qui, après leur première latte, deviennent verdâtres pour terminer avec les dents, les jaunâtres. Pas facile d'être un bourreau, bien malgré soi, je peux les comprendre ceux qui disent. C'est pour moi! Parce que. C'est pour moi! Mais les pyromanes, les amateurs de feu de mort et de gitanes, ce sont eux qui se servent de moi, ce sont eux qui m'utilisent pour leur tabac. Ce sont les hommes qui se servent et se desservent. Mais allez-y, vous n'en porterez pas au paradis. C'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous le dis. C'est lui qui vous le dit. Pas confortable d'être jetable. J'aurais pu être comme une allumette. En érable. Plutôt pratique, pas esthétique. Corps de plastique, dure condition. Évidemment, évidemment. Évidemment, fallait que ça tombe sur moi, un pyromane, fumeur de gitane qui habite dans une caravane. Je pouvais pas tomber sur une vieille dame qui aurait pris soin de moi juste pour allumer des bougies. Quelque chose de joli, quoi. Pas un gros tas qui sent le rat et qui boit avec ses doigts qui sautent le temps à froid. Il prête à ses copains, l'air de rien, situation banale, comme si c'était normal. Bah allez-y les gars, vous gênez pas, c'est ça, passez-moi, prêtez-moi, lancez-moi, faites-moi tomber aussi. De toute façon, je suis qu'un objet, hein, un briquet, sans âme et sans émotion, oublions-le. Dans un blouson, une maison, dans le gazon, ou dans un caleçon. Ben voyons, ça ne pense pas un briquet, c'est aussi vivant qu'un chausse-pied. Mon trou à gaz, ouais, j'insiste, je résiste. M'exploitons, me spolie chaque jour et chaque heure au rythme de vos humeurs. Alors je dis merde moi, je revendique ma condition de pic. Je suis peut-être pas un zippo, mais je suis pas une allumette non plus. Pas confortable d'être jetable, j'aurais pu être comme une allumette. En érable donc. Plutôt pratique, pas esthétique, corps de plastique, dure condition. Faut pas m'oublier, si tu le fais, je ressors les vieux dossiers. Tu sais les vieux trucs qui passaient. Quand t'as fait de l'acné, et le mec t'écoutait Patrick Juvet. Où sont les flammes? Et que tu fumais en cachette en flippant ta mère te voit et t'éclate la tête. Ça fait longtemps que tu fumes, hein? Tu veux jouer les petits malins? Ben moi je te vends quand je veux et ta vie, je suis prêt à y foutre le feu. Je suis peut-être pas un zippo, mais pour sauver ma peau, J'ai joué les collabos. C'est salaud, pas vrai? Ouais, mais si tu veux jouer, ben on peut jouer. Alors fais gaffe à ce que tu fais. Prends soin de moi, aime-moi, chéris-moi. Et ne m'oublie pas, et ne m'oublie plus. Sinon quoi? Gare à ton cul. Ah non, vas-y, pas mon cul. T'es sympa, tu pourrais t'en prendre au moins au type là qui va chanter. Pas confortable d'être jetable. J'aurais pu être comme une allumette. Trop pratique, pas esthétique, corps de plastique, dure condition que d'être un pas confortable d'être jetable. J'aurais pu être comme une allumette. Si, en érable. Plutôt pratique, pas esthétique, corps de plastique, dure condition que d'être un pic. Pour tous les pics de la Tessie, yeah.